C'est un long fleuve, il n'en volait vers l'avenir. Une raison d'être, enfin quand on peut y parvenir. C'est un long fleuve, d'où l'on ne peut parvenir, non. Quand certains désespèrent, quand l'urgence s'installe, le temps se fige, la folie paraît normale. Mais on préfère ne rien faire, ne faire aucun effort. À trop faire les fiers, on va subir le même sort. Comment faire pour ne pas pousser ce cri? Quand certains ne vivent que pour le pire, on préfère ne rien faire, ne faire aucun effort. À trop faire les fiers, on va subir le même sort. Comment faire pour ne pas pousser ce cri? Partir là où l'envie nous mène, partir là où le devoir m'appelle. Quand la vie n'est plus qu'une arme en peine, oh, rien ici, rien là-bas n'est éternel, non. Partir loin de tous ces drames, ces peines, pour vivre une histoire originale. Oh, oh, oh, oh. Décider d'écrire, souffler sur la poussière. Qui peut dire qu'il suffit d'une prière pour sécher les larmes, déposer les âmes à l'aube quand vient la lumière. Combien rêve d'une vie moins amère. Combien d'hommes de femmes, on préfère ne rien faire, ne faire aucun effort. À trop faire les fiers, on va subir le même sort. Comment faire pour ne pas pousser ce cri? Quand certains ne vivent que pour le pire, on préfère ne rien faire, ne faire aucun effort. À trop faire les fiers, on va subir le même sort. Comment faire pour ne pas pousser ce cri? Partir là où l'envie nous mène, partir là où le devoir m'appelle. Quand la vie n'est plus qu'une arme en peine, oh, rien ici, rien là-bas n'est éternel, non. Partir loin de tous ces drames, ces peines,